Vous êtes toujours dans le point confinement sur la radio des bons cons et je suis maintenant en ligne avec ma deuxième invitée de cette émission spéciale Girls. Je parle, nous sommes en ligne avec quelqu'un qui se trouve à Guadalajara. Hola. Hola. Hola. Nelly Cárdenas, Nelly María Cárdenas Navarro. ¿Cómo estás? Bonjour à tous. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bienvenido en el Radio del Boncon. Est-ce que, Ophélie, tu te souviens comment on dit con en espagnol? C'est pendejo? Oui, bravo. Alors, ce serait la radio de los buenos penderos? Oui, voilà. Yes. Donc, Nelly, est-ce que tu peux nous dire qui tu es par rapport au bon con? Je ne sais pas. J'ai vécu chez toi. Voilà. il y a 10 ans. Oh, wow. J'ai sorti chez toi en 2009. J'ai passé un an au lycée Joubert et après j'ai vécu au Mans 5 ans. J'ai fait les Beaux-Arts là-bas. Et voilà, j'ai fait partie de la famille Soulard pendant 6 ans, à peu près. Et maintenant, tu es revenue au Mexique. Voilà, maintenant j'habite à Guadalajara. Donc, j'aimerais bien que tous les Français soient capables de dire ce mot qui est assez compliqué pour vous, avec beaucoup de he, de r. Beaucoup d'entraînement. Il faut beaucoup d'entraînement pour réussir à dire Guadalajara. Oui, voilà. Et là, on est confinés aussi. Donc, on est la deuxième région au Mexique avec plus de cas de ce coronavirus. Mm-hmm. Mais bon, au Mexique, les gens sont quand même pas très inquiétés. Apparemment, quelqu'un dans le gouvernement dit que les coronavirus, c'est quelque chose qui peut rendre malade uniquement les riches, pas les pauvres. Et qu'avec notre génétique aztèque, nous, on est résistants à ces virus, d'accord, apparemment. Alors, du coup, est-ce que t'as vu un peu ce qui se passait en France? Tu t'es renseigné un peu sur le confinement en France? Oui. Bon, déjà, j'ai parlé un peu avec Chloé et Kaman qui m'ont un peu raconté ce qui se passait. Donc, vous n'avez pas le droit de sortir. C'est beaucoup plus strict là-bas, quoi. Alors qu'ici, il y a encore des restaurants, des bars ouverts. Parce que du coup, toi, tu es dans une région confinée, mais qui n'est pas vraiment confinée, en fait. Ouais, enfin, même si nous sommes la deuxième région la plus infectée, les gens font de leur vie presque pareil. Donc là, j'habite dans la deuxième ville la plus grande au Mexique. Et il y a quand même plein de voitures dans la rue, des gens qui travaillent dans la rue. Il y a moins quand même. Enfin, si avant je faisais 40 minutes pour aller au travail, maintenant je fais 15. Voilà, les gens, ils font presque leur vie normalement, la majorité. Chloé demande si tu peux toujours boire de la tequila. Bah bien sûr. Les magasins où on peut acheter de l'alcool sont toujours ouverts. D'ailleurs, à Sonora, ma région, que tu connais bien, apparemment, ils ont fait une restriction. Oui, restriction. Parce que tout le monde achetait trop d'alcool et maintenant, il s'est limité une certaine quantité d'alcool par personne parce que bon, les gens, ils font toujours la fête. Hein. Donc, on peut toujours boire de la tequila. Est-ce qu'ils achetaient c'est livré trop à la maison. Est-ce qu'ils achetaient trop d'alcool par rapport au coronavirus ou juste parce que c'est des fêtards? Parce que nous sommes des fêtards, parce qu'on s'ennuie confinés, alors il nous faut de l'alcool. Voilà. Alors que vous n'êtes même pas vraiment confiné. Ouais, ben. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe quand tu arrives au travail? Déjà, dis-nous ce que tu fais Pardon? comme. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe quand tu arrives au travail avec par rapport au confinement, ce que tu m'as dit tout à l'heure hors antenne? Ok, donc j'arrive. Déjà, on doit se garer dans un parking spécial et avant d'entrer dans l'immeuble, il y a des personnes qui prennent la température de chaque personne, qui regardent la gorge, qui nous posent des questions. Si on passe les tests, on peut rentrer. Tous les jours, ils nous envoient des mails pour nous demander pourquoi est-ce qu'on vient travailler. Par exemple, moi, je préfère venir travailler, même si je suis toute seule dans mon travail. Bah, parce que bah, tout se fait sur Zoom, sur un télétravail. Et je travaille mieux ici, il y a plus de lumière, l'Internet marche mieux, voilà. Mais, genre, à niveau national, ils veulent savoir si on a des symptômes et tout. Enfin, c'est bien. Ils font très attention, en fait, à qu'on se sente bien. Et Voilà. tu fais quoi comme travail? Donc, je travaille dans une école qui s'appelle Tech de Monterrey. Et je fais des ateliers d'histoire de l'art. Voilà. Allô? Et Oui. donc, c'est. Allô? Non, vas-y, vas-y. Et donc, je travaille toute seule dans une salle. Il y a d'autres personnes qui travaillent à côté de moi, mais on est tous séparés, en fait, on ne se voit pas. Mais je sais qu'il y a des personnes, en fait. C'est juste que je ne les vois pas. Et voilà, donc c'est assez solitaire, mais je préfère au lieu d'être enfermée tout le temps à la maison parce que je deviens folle. Chloé a une question pour toi. Elle te demande si ça te fait peur le coronavirus. Si ça me fait peur? Oui. Non, parce que, comme mon président a dit, si j'ai la peau bronzée, alors je risque pas Oui, de l'avoir. c'est le président qui l'a dit. Ah, waouh! Incroyable. Que Dieu va nous et que notre sang d'Aztèque est résistante au coronavirus. Voilà, quoi. C'est ce qu'il a dit. Donc non, moi, j'ai pas peur. Et une question de Douglas Wilson qui demande si la vie est beaucoup impactée au Mexique au niveau des événements, des fêtes, des concerts. Ou... Est-ce qu'il y a eu des annulations? Si la vie... Ah, alors oui, il y a eu des annulations. Cependant, il y a 2 semaines, ils ont quand même fait un festival, chose qui était un peu inquiétante. Mais en fait, la majorité des personnes, par leur propre décision, ont décidé de se confiner. Mais le gouvernement a pris la décision de quand on devait se confiner de manière obligatoire. Il y a juste ce week-end, enfin, il y a juste 2 jours, quoi. Ok. Donc, officiellement, il y a eu un changement, mais pas très radical. Mais à partir de cette semaine, ça va être un peu plus strict, quoi. Voilà. Une question de Sepa Macam qui demande comment fonctionnent les hôpitaux au Mexique, le matériel, les moyens humains, comment fonctionne le système de santé? Ah oui, techniquement, nous avons un système de santé qui est public, mais on a aussi des hôpitaux privés. Mais les problèmes avec les hôpitaux publics, c'est que parfois, ils n'ont pas beaucoup enfin, ils n'ont pas les matériaux nécessaires pour pour donner un bon service. C'est-à-dire que, disons, ici à Guadalajara, alors que c'est la deuxième ville la plus grande au Mexique, ils avaient même pas de savon pour les mains. Donc, il y avait des manifestations pour ça. Donc, parfois, ils ont un très bon service, parfois, non, ça dépend en fait de la corruption de mon cher pays. Oui. Et du coup, là, avec le coronavirus qui arrive peut-être au Mexique, il n'y a pas de peur dans le peuple mexicain. Si, il y a de ça parce que, en fait, ici, si par exemple je veux me faire un test pour voir si je l'ai, c'est super cher, c'est des preuves. Bon, les tests ne sont pas très accessibles pour tout le monde. Déjà, vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas, c'est assez bizarre en fait. On n'a pas beaucoup d'informations par rapport à ça. C'est assez bizarre. Bon, dans ma région, dans cette région, Jalisco, Guadalajara, bah, ils viennent d'acheter plein de preuves. Mais je pense que c'est la seule région. Les autres, bah, j'ai peur pour eux, quoi, à vrai dire. Parce que sinon, on va dire, ils doivent payer 1 000 euros pour un test dans d'autres hôpitaux privés. C'est super cher, ça. Donc, ouais. Oui. Mais comme je t'ai dit, comme tout le monde est bronzé, alors Oui. ils vont survivre. C'est pas Macam qui précise sa question, comment fonctionne le système de santé? Est-ce qu'il faut payer pour se faire soigner? Par exemple, si tu travailles, c'est gratuit parce que c'est ton travail qui paye ça. Si tu travailles pas, alors non, c'est pas gratuit. D'accord, donc c'est C'est compliqué. compliqué. Ouais. Et j'avais une question, mais je l'ai perdue, c'est dommage. Ah oui, est-ce que les Mexicains, ils croient à ce truc de si tu as que en fonction de tes gènes aztèques, tu résisteras mieux au coronavirus? Ou Il y en a qui c'est. le croient, hein. Il y en a qui le croient. Oui, ben, ça dépend de leur niveau d'éducation, bien sûr, mais il y en a qui croient ça. Parce que, en fait, mon président, en ce moment, il est une sorte de dieu pour certains. Alors, s'il dit qu'on est résistant à ça, il y en a beaucoup qui vont le croire. Donc, c'est assez inquiétant, mais voilà. Comment il s'appelle ce président? Andrés Manuel López Obrador. Eh bien, on l'embrasse. Alors, question, je reviens sur des questions qui avaient été posées. Chloé voudrait savoir si est-ce que tu voudrais revenir en France parce qu'elle aimerait bien. Je devais venir en France cet été, mais le voyage a été annulé à cause de coronavirus, quoi. Tu devais venir Mais cet été. j'allais venir cet été. Je sais. Putain. J'allais rester un mois, je pense, à Nice. Et bah, ça a été annulé. Je suis trop triste. Alors On aurait ça. pu se voir en 3 mois. Ouais. Mais bon, Alors tant ça, pis. c'est vraiment dommage. Je sais. Une autre question de Soulardicus Carou, qui n'est autre que Alain ou José, qui demande quand est-ce que tu te maries pour qu'on prépare notre voyage? Je sais pas le moment où j'aurai quelqu'un qui me vient de se marier avec moi. Bien sûr, on ne presse pas, hein. On n'est pas comme ça sur la radio des bons cons, on laisse les gens prendre leur temps pour se marier. Mais en tout cas, n'hésitez pas, hein, Nelly, faire une annonce sur notre antenne le jour où vous voudrez. Ou faire une demande en mariage en direct sur Radio Boncon, ça ce serait vraiment Allô? incroyable. Tu m'entends? Ce serait trop bien. Oui, je t'entends. Bah, j'aurais bien voulu me marier à la mairie de la Ruitière. Ah. Question de Chloé Le Soulier qui demande si je viens, est-ce qu'on peut faire une fête des 15 ans? Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est une fête des 15 ans au Mexique? Alors, il faut que j'explique. Oui, s'il te plaît. Ben, Ophélie, tu as eu une expérience similaire, non? Oui. Ben, c'était 16 ans, mais. Alors, une fête des 15 ans. Bon, on fait une grande fête. Il faut mettre une grosse robe de princesse. Et en fait, tu dois danser devant tout le monde avec plein de garçons. Comment on peut appeler ça? Un Oui, valse? Je sais pas. une valse. C'est une fête assez kitsch. Mais ouais, on peut faire une fête de 15 ans, mais si. Mais elle doit mettre une robe de princesse. Mais alors moi, j'avais pas de robe de princesse. On en avait essayé, mais j'en avais pas acheté. C'est vrai. Heureusement, j'ai envie de dire heureusement. Heureusement. Alors. Alain et José précisent qu'ils viendront au Mexique quand même, même si tu ne te maries pas. Ah, d'accord. Alors, Grande il faut annonce. venir parce que j'habite dans la meilleure région du Mexique. La région de la tequila. Si. C'est très beau ici, donc il faut vraiment venir. Nelly, avant de se quitter, est-ce que tu as un petit message à faire passer, une petite dédicace? Oui, ben, tout le monde me manque. J'aurais bien voulu vous voir cet été. Je suis très triste de ne pas pouvoir venir à cause de cette triste situation. Mais j'espère que tout le monde va bien. J'ai envie de dire aussi bonjour à Mathieu qui nous entend depuis Strasbourg. Oh. Bonjour Mathieu. voilà, j'espère que vous vous amusez bien en France. Il y a Douglas Wilson qui demande comment on dit, parce que c'est un peu le slogan en France, restez chez vous en espagnol. C'est le mot d'ordre. Quédense en su casa. Quévense en su casa? Oui. Super. J'avais une dernière question, Nelly. Est-ce que tu penses qu'avec mes origines un peu espagnoles, j'ai plus de chances. Avec qui? Quoi? Mes origines un peu espagnoles, est-ce que j'ai plus de chances de survivre au coronavirus? Oui, je pense que après deux visites au Mexique, tu as la résistance dans ton corps pour résister au coronavirus. T'inquiète pas. Ouf, merci beaucoup Nelly. Gros bisous. Merci à vous, à toi, et bonjour à tous, et gros bisous. À bientôt. À bientôt.